dans le sang. Je suis fier d'être MC, des superstars sans lacets. Comme Run DMC, j'ai le rap dans les veines. Il vient et il me saigne, me réveille la nuit. Quand l'insti bloque ma cervelle, je suis fier de gratter cette feuille avec mon crayon. Depuis le temps que je pratique, j'en connais un rayon. J'ai la culture, les racines. Certains MC me fascinent quand t'aperçois le niveau. C'est un tas vraiment pas raciste. Old school sort sous mes pompes Air Force blanche, toujours frais et posé comme un sage sur sa branche. 4XL, le YT au minimum. Une cap Nuera, la quincaillerie en platinium. Le ghetto blaster, toujours à portée de main. Pour poser une phase ou deux, si jamais y'a moyen. Le hip hop c'est ma vie, c'est ma philosophie, c'est ma passion. J'fais pas ça pour les profits, blah, blah.